Ok. 2007 8-3 zoneur, N vocal. Tu connais rien de nous, alors ferme-la, gros. Yeah. Dis-moi, tu sais quoi le rap dans la vie, c'est une vie d'artiste. J'veux pas plaire à tout le monde, normal c'est la vie. J'veux pas dominer le monde comme Tony, j'veux juste plein de billets. Jamais j'flinguerai un frère comme Tony a fait la manie. J'sais pas si c'est moi qui me suis incrusté ou si c'est le rap qui s'est incrusté. Dans tous les cas, j'ai pris goût frère, j'peux plus m'en passer. Depuis qu'on a bousillé les portes blindées, du rap on veut se montrer. Quelques sons pour la zone, avec des tests un peu pétés. Depuis j'ai trop la dalle, j'veux grailler des 16. J'veux brailler sur la piste, pourquoi pas faire carrière d'artiste. J'connais rien de moi et mon rap, t'sais pas si j'dérape. Moi j'te dis, j'suis à France, mon pic et mon carré, faire des sons de qualité. Avant le rap c'était un basta, maintenant t'as l'œil. Ça guette ce que tu fais, faut se calmer, faut prendre ses calmes. Faut putain de critique m'inspire. T'es barres de rire, tu peux t'en taper jusqu'à mourir. C'est pour des personnes comme toi que je me suis mis vraiment à écrire. Oh là les gens s'affolent pour quelques sons. Trop de regards indiscrets qui montrent qu'ils voudraient bien faire couler ton sang. Chacun son bis quand tout va mal. Des textes en thème, t'es pas combien j'en pisse. Yeah, 8-3 d'honneur, N vocal. Avis à ceux qui parlent trop, si tu nous connais pas tu la fermes. Un rap vrai, pour tous les frères qu'on enferme. Un rap vrai, pour ceux que la vie malmène. C'est l'équipe mais le son à fond. Tu connais rien de moi et de ma verre, on me juge pas. Je laisse, je bouge pas l'ami, je m'aille au mec, je nique pas un frère comme Tony. Les mômes de ce monde veulent dominer le monde, d'un sorti de l'ombre, je succombe. La maladie du rap, j'en ai l'âme comme tout le monde, je suis pas une surhomme. Je fais le max de hulel en tendant de grandes flammes. Les mecs ont la table pour un peu ça de canard. Des jours forts de l'ombre, ça part, ça embarque, y'en a par Sani. J'ai Dieu raison, pas si prendre des pas, pour vite leur couille au poste. Ça te serre la main, ça part, je dois plein de temps. Y'a plus de temps, chacun pour soi, pour de la recasse, elle te laisse en plan. Juste pas mérite ma plan, ça tire dessus, je pas avec des balles à blanc. Pour une baffe, tu rentres, bon homme, vois ce qu'on nous montre. Les flics font nos bénéfices, quoi qu'on fasse, nos fils font de la haram, nous voient le monde. Ça te coûte l'aile et ça se dipote. Qu'est-ce que ça t'apporte? J'ai pris la peau dans mauvaise porte. J'suis dans la haram, j'me renferme sur moi-même. J'ai qui garde tout va mal. Sa crise et sa panique, car c'est le ghetto, les types l'ami. Ça vient du caramel, ça le désir. Vu trois honneurs à la fiche, la famille, j'suis affamé. J'ai le plan rage, mec, c'est dangereux. Il fallait qu'on soit s'entendre tant que dangereux. M'amène Zico, 8-3 honneurs, un vocal, Kamenzo. Avis à ceux qui parlent trop, si tu nous connais pas, tu la fermes. Un rap vrai, pour tous les frères qu'on enferme. Un rap vrai. Que la vie malmène, c'est l'équipe mais le son à fond. Les temps sont mauvais, ça suce pour délover. Ça parle d'innover, mais rien que ça part dans le vide. On aimerait que je tombe dans le vide et vite de faire la fuite sans savoir tout ta bouche. Tu trouves louche, je te traque comme un hnouche. Laissant parler les gens, non, non. Tu critiques quand je suis pas un jeune, ouais, ouais. T'as peur que je trouve ton vagin, ouais, ouais. Dans ma vie, tu te caches, mais sache que la vie n'est pas comme H. Tu cries comme un apache, je suis trois, c'est la commande. T'as renseigné sans savoir, on arrive en colis suspect dans le noir. Tu parles trop, mais tu nous connais pas. J'ai entendu qu'on disait que sur notre sort on misait, mais tu rivalises pas. Et même t'en as trop. Normal, c'est du trauma. Les mecs sont déjà en train de s'enterrer devant Niki Santoro. Kamenzo, le nouveau chacal, sorti du zoo. C'est du N vocal pour mon 8-3 local. 8-3 zoneurs, appelle-nous les meneurs. Avis à ceux qui parlent trop, si tu nous connais pas, tu la fermes. Un rap vrai, pour tous les frères qu'on enferme. Un rap vrai, pour ceux que la vie malmène. C'est l'équipe, mais le son à fond. Avis à ceux qui parlent trop, si tu nous connais pas, tu la fermes. Un rap vrai, pour tous les frères qu'on enferme. Un rap vrai, pour ceux que la vie malmène. C'est l'équipe, mais le son à fond. Avis à ceux qui parlent trop. Un rap vrai, pour tous les frères qu'on enferme. Un rap vrai, pour que la vie malmène. Mais le son à fond.